Il est 7 heures. Il se lève. 2. Il est 7 heures et quart. Il se douche. 3. Il est 7 heures et demie. Il s'habille. 4. Il est 8 heures moins le quart. Il prend son petit déjeuner. 5. Il est 8 heures. Il se lave les dents. 6. Il est 12h30. Il déjeune. 7. Il est 16 heures. Il goûte. 8. Il est 18 heures. Il fait ses devoirs. 9. Il est 19h30. Il dîne. 10. Il est 22 heures. Il se couche.